إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 4 dans l'explication du livre At-Ta'liqat ala al-Fatwa al-Hamawiyya, les explications yani au sujet du livre Al-Fatwa al-Hamawiyya, qui est la fatwa de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et on lit du livre At-Ta'liqat al-Tawdihiyya ala Muqaddimat al-Fatwa al-Hamawiyya du Cheikh Salih al-Fawzan. Donc on est arrivé à l'endroit où Cheikh al-Islam il commence à répondre à la question qu'on lui a posée. Donc il dit فأجاب, hein, donc il a répondu الحمد لله رب العالمين قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Donc on va traduire cette partie. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il répond au sujet donc de la question qu'on lui a posée au sujet des versets et des hadiths qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que notre position au sujet de ce qu'on a mentionné dans la question par rapport aux versets et aux hadiths qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre position à ce sujet-là, c'est la position de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la révélation, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam, et de même que c'est ce que les premiers d'entre les croyants parmi les muhajirines, c'est-à-dire les sahaba qui ont cru à l'islam à Mecca et qui ont fait la hijra vers Médine, et à l'ansar, c'est-à-dire les gens qui ont cru à l'islam parmi les habitants de Médine, hein. Donc ça c'est les premiers d'entre les croyants. Donc ce qu'ils ont dit eux aussi, donc c'est on dit ce qu'ils ont dit eux aussi, de même que tous ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, hein, dans leur croyance et dans leur méthodologie, dans leur pratique et dans leur façon de comprendre les textes, et ainsi de suite. Donc on suit et on dit ce qu'ils ont dit et on les suit de la meilleure façon dans ces choses-là. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique cette introduction ou ce début d'explication de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc, il dit وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبْ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَفِي مَسَائِلِ الْعِلْمِ عُمُومًا وَلَكِنَّ الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتِ بِالذَّاتِ لِأَهَمِّيَتِهَا وَلِأَنَّهَا حَصَلَ فِيهَا الْخَوْضُ فنحن نقول فيها ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وما قاله التابعون لهم بإحسان. قال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Donc le Cheikh Al-Fawzan explique que c'est le fait de dire ce que Allah a dit dans ces questions-là par rapport aux noms et aux attributs d'Allah, de dire ce que Allah et ce que son messager ont dit, et de dire ce qu'on dit à ce sujet également les premiers d'entre les croyants parmi les Muhajirin et les Ansar et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Donc ça, c'est qu'est-ce qui est obligatoire dans les questions des noms et des attributs et dans les questions qui ont rapport avec la science de l'islam de façon générale. Sauf que dans les questions qui ont rapport avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon plus spécifique et plus particulière, c'est encore plus important, justement à cause de l'importance de ce sujet, c'est-à-dire l'importance du sujet des noms et des attributs d'Allah, puisque ça a un rapport direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, et également parce qu'il y a eu beaucoup de divergences, beaucoup de discordes et de débats autour de cette question-là en particulier. Et donc le cheikh il dit, et nous on dit à propos, donc à cause de ça on dit à propos des noms et des attributs d'Allah, on dit dans ces choses-là ce que Allah a dit, ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce que les sahaba parmi les muhajirin et les ansar et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, parce que ce sont les élèves du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les élèves, ceux qui ont appris avec lui. Et on dit également ce que ceux qui les ont suivis de la meilleure manière ont dit parmi les imams qui ont suivi par la suite, et les gens qui ont cru par la suite et qui ont pris leur religion de ceux qui les ont précédés. Donc le cheikh il mentionne le verset 100 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des premiers croyants parmi les muhajirin et les ansar en disant, et les tout premiers, ceux qui ont cru parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, Allah est satisfait d'eux, et eux sont satisfaits de lui, et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et voilà le grand succès ou l'énorme succès. Donc le cheikh il dit ensuite, والمهاجرون هم الذين هاجروا من ديارهم إلى المدينة هاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتركوا ديارهم وأوطانهم فرارا بدينهم ونصرة لرسولهم فهم أفضل الصحابة لأنهم تركوا أموالهم وأولادهم وديارهم وهاجروا طاعة لله سبحانه وتعالى فهل بعد هذا البذل بذل؟ ليس بعد هذا البذل بذل ثم الأنصار الذين آووا ونصروا وفتحوا ديارهم وبيوتهم وقلوبهم لإخوانهم المهاجرين وواسوهم وأحبوهم فلهم الفضل بعد المهاجرين لأنهم أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم وأنصار أهل الإيمان. دونك le cheikh il dit, قال تعالى فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعد والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك يعني هؤلاء هم الأنصار يعني فأولئك هم المفلحون والذين اتبعوهم بإحسان أي الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار ممن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة ولكن قيد اتباعهم بإحسان لأن بعض الناس يزعم أنه يتبع المهاجرين والأنصار ولكن لا يحسن الاتباع بل إما أن يغلو ويزيد على ما هم عليه ويقول ما هذا مذهب ويقول هذا مذهب المهاجرين والأنصار وإما أن يجفو ويقصر عما هم عليه فقيد الاتباع بالإحسان أو بإحسان بمعنى أنه يتقن الاتباع من غير إفراط ومن غير تفريط لا يفرط لا يغلو ويضيع فهذا ليس من أتباع المهاجرين والأنصار ولا يقصر ويجفو عما هم عليه. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique que les muhajirin, ce sont ceux qui ont fait la hijra, qui ont quitté leur demeure, qui ont quitté la Mecque pour aller vers Médine, qui ont quitté leur demeure pour aller vers Médine et qui ont fait la hijra vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont abandonné leur demeure, leur patrie ou leur contrée, l'endroit d'où ils venaient, pour s'enfuir, yani pour préserver leur religion, ou bien pour pouvoir garder leur religion, et également pour donner secours aux messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils sont les meilleurs d'entre les sahaba, parce qu'ils ont tout abandonné pour Allah et son messager. Donc, ils ont abandonné leurs biens, leurs enfants, leurs maisons, tout ce qu'ils possédaient. Et ils ont fait la hijra par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce qu'il y a donc, après ce genre de dépenses et de sacrifices, est-ce qu'il y en a une dépense et un sacrifice plus grand possible? Donc le cheikh dit non, c'est pas possible de faire une dépense ou un sacrifice plus grand que celui-là. Et ensuite viennent les ansar, ceux qui ont accueilli et protégé et défendu les muhajirin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les muhajirin, et qui ont ouvert leur demeure, leur maison, leur cœur à leurs frères parmi les muhajirin quand ils sont arrivés. Donc ils les ont accueillis et ils ont été attentionnés pour eux et ils les ont aimés, et donc ils ont tout ce mérite là après le mérite des muhajirin. Et donc les ansar, c'est pour ça qu'on les appelle les Ansarullah, ceux qui ont donné le support et la victoire à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire à sa religion. Et ceux qui ont donné la victoire et qui ont défendu son messager. Et ce sont également les défenseurs des gens de la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet dans Surat Al-Hashr, le verset 9. Si vous retournez à Surat Al-Hashr, le verset 9, vous allez trouver ce verset qui décrit justement les muhajirin. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de ceux qui reçoivent le butin ou qui ont droit à une part du butin, il dit, et il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi. En parlant des muhajirin, des ansar, pardon, qui aiment ceux qui ont émigré vers eux. Donc, ils aiment les muhajirin et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que les muhajirin ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a une pénurie chez eux. C'est-à-dire, ils aiment les muhajirin plus qu'eux-mêmes. Et ils se sacrifient pour les muhajirin, malgré qu'eux-mêmes ils sont dans la difficulté. Et quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Donc, quand on dit ici ceux qui ont cette description-là, c'est les ansar. C'est la description des ansar qui ont été généreux et qui ont tout partagé et qui ont sacrifié beaucoup pour la cause de l'islam. Ensuite, ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, c'est-à-dire qui ont suivi les muhajirin et les ansar de la manière la plus parfaite, c'est-à-dire que ils les ont suivis parce que il y a des gens qui vont les suivre, c'est-à-dire qui vont suivre les muhajirin et les ansar jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour de la résurrection. Le cheikh il dit qu'on a limité ici dans le verset, quand on parle des gens qui les ont suivis, on les a limités en mentionnant qu'on les a suivis avec perfection ou bien de la meilleure façon. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent suivre les muhajirin et les ansar alors qu'en réalité ils ne les suivent pas correctement. En fait, ils les suivent soit avec de l'extrémisme ou soit avec yani, du fait qu'ils exagèrent, ils rajoutent des choses, hein, ils rajoutent des choses au-dessus de ce que les muhajirines et les ansar suivaient vraiment. Donc ils veulent faire plus que, et ils veulent rajouter dans la religion des choses qui ne font pas partie de la religion. Donc ça c'est un exemple. Et ils disent qu'ils suivent la voie des muhajirines et ansar. Donc ils attribuent aux muhajirines et aux ansar ce qu'ils n'ont jamais fait. Donc ça c'est de l'exemple de ceux qui ont exagéré. Puis il y a ceux qui ont yani, qui ont eu des manquements ou qui ont yani, enlevé, essayé d'enlever ou de diminuer ce sur quoi se trouvaient les muhajirines et les ansar, et donc qui veulent enlever des choses dans la religion. Et c'est pour cette raison là que dans le verset on a spécifié que c'est pas seulement suffisant de dire juste de ceux qui les ont suivis, mais de ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, c'est-à-dire qu'ils les ont suivis avec perfection, hein, et sans avoir d'exagération et sans avoir de manquement. Donc d'être dans l'équilibre, hein, dans le juste milieu entre ceux qui exagèrent et ceux qui tombent dans le laxisme. D'accord, donc c'est ça que le cheikh a expliqué ici. Donc la voie des muhajirines et des ansar, c'est de ne pas exagérer en ajoutant trop et de ne pas enlever non plus. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit dans Al-Fatwa al-Hamawiyyah, وَمَا قَالَهُ أَئِمَّةُ الْهُدَى بَعْدَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايَتِهِمْ وَدِرَايَتِهِمْ وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il explique que yani, il faut donc suivre et dire dans les questions qui ont rapport avec les noms, les attributs d'Allah, ce que Allah et son messager ont dit, de même que les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, et également ce qu'ont dit les grands imams de la guidance après eux, c'est-à-dire après les muhajirines et les ansar, hein, les grands imams de la guidance, parmi ceux que les musulmans ont tous été d'accord sur le fait que ce sont des gens qui ont une bonne guidance et une bonne compréhension de la religion, hein, et également que ça c'est quelque chose qui est obligatoire pour toute la création. Dans ce domaine, c'est-à-dire dans cette question des noms et des attributs, et dans le reste également. Le cheikh ici, il met un point, il explique un point au sujet de, yani, du fait que on doit suivre également les grands imams de la guidance, ceux que les musulmans ont tous été d'accord sur le fait que c'était des gens qui sont bien guidés et qui ont une bonne compréhension. الشيخ الزي أي نقول ما قاله أئمة الهدى من العلماء الذين جاءوا بعد الصحابة والتابعين من الأئمة كالأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة الذين ساروا على هذا النهج على هذا المنهج الذين ساروا على هذا المنهج وقاموا به ممن جاء بعدهم من سائر الأئمة وهم ولله الحمد كثرة كاثرة ووفرة وافرة ولله الحمد فالأئمة المجددون والعلماء الربانيون متوفرون في هذه الأمة ولله الحمد أجمع المسلمون على هداية هؤلاء الأئمة يعني إصابتهم الحق ودرايتهم أي فهمهم فهم عندهم علم وعمل واتباع لأن بعض الناس عنده علم ولكن ليس عنده عمل وبعض الناس عنده عمل ولكن ليس عنده علم وأما هؤلاء الأئمة فجمعوا بين الأمرين العلم والعمل. Donc le cheikh explique que il faut également, donc on doit dire ce que les imams de la guidance parmi les ulama qui sont venus après les sahaba et les tabi'in, et parmi les grands imams, comme les quatre imams, on doit dire la même chose que eux, dans les questions de la religion également. Et également, les quatre imams, comme l'imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, rahimahumullah, de même que les autres imams aussi qui ont suivi la même voie et la même méthodologie qu'eux, et qui se sont tenus sur la même chose que ceux qui les ont précédés ont suivi, comme parmi tous les autres imams. Donc, ceux-là, le cheikh il dit, par la grâce d'Allah, ils sont très nombreux. Très nombreux. Et par la grâce d'Allah, les imams, les réformateurs de la religion, les savants éducateurs, eh bien, ils sont très nombreux dans la umma, par la grâce d'Allah. Ensuite, par rapport à ça, justement, je voulais mentionner un point pour donner ou citer certains des noms des grands imams de l'islam, parce que beaucoup de musulmans les ignorent, ou ignorent qui ils sont, ne connaissent pas leurs noms, et donc je pense que c'est important de mentionner certains d'entre les imams, des imams d'Ahl-Sunnah, à part les quatre imams. Parce que les quatre imams qu'on a cités, ce sont quatre parmi les imams d'Ahl-Sunnah seulement, mais il y en a beaucoup d'autres que les savants mentionnent, qui sont parfois au même niveau que les quatre imams, des fois même plus élevés que les quatre imams des madahib qui sont connus. Et parfois il y en a donc qui sont avant eux, et il y en a d'autres qui sont pendant, à la même époque qu'eux, et il y en a d'autres qui sont après eux. Donc, ce serait bien d'en mentionner quelques-uns. Par exemple, Muhammad ibn Muslim al-Zuhri, l'imam al-Zuhri, qui est mort en l'an 124 de la Hijra. Ok? Donc, ça, c'est un des grands imams parmi les imams des salafs. L'imam Yahya ibn Sa'id al-Ansari, qui est mort en l'an 143. Lui aussi qui était un grand imam parmi les imams des salafs. L'imam Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i, qui est mort en l'an 157 de la Hijra. Lui aussi qui était un grand imam parmi les imams d'Ahl-Sunnah. L'imam Sufyan ibn Uyayna al-Hilali, qui est mort en l'an 198 de la Hijra. L'imam Shafi'i, justement, il parlait à son sujet. L'imam Sufyan ibn Uyayna, qui était un des imams de la Mecque, à la même époque que l'imam Malik. L'imam Shafi'i dit, je n'ai pas vu quelqu'un de plus fort dans la compréhension de la religion que Ibn Uyayna. Et je n'ai pas vu non plus de personne qui se taisait plus dans les questions de fatwa que lui. C'est-à-dire, il parlait pas, il ne donnait pas de fatwa facilement. Il se retenait beaucoup de donner des fatwas, justement, pour éviter de faire des erreurs dans la religion, puis d'émettre des fatwas. Parce que c'est comme ça que les sahaba étaient aussi. Ils n'aimaient pas parler ou donner des fatwas. Donc ça, c'est juste un exemple ici. Qu'est-ce que l'imam Shafi'i a dit? Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus fort ou de plus fort dans la compréhension ou dans le fiqh que Ibn Uyayna. Ça, c'est un exemple. L'imam Abdullah ibn al-Mubarak al-Hanzali, un grand imam parmi les imams du hadith et de l'islam. Il était à l'époque de l'imam Malik aussi. Il est mort en l'an 181. L'imam Yahya ibn Sa'id al-Qattan, qui est mort en l'an 198 de la Hijra. C'est aussi un des grands imams de l'islam, parmi les salafs. Subhanallah. L'imam Ahmad faisait des éloges de lui. De même que l'imam Ali ibn al-Madini faisait des éloges de lui. Donc, si l'imam Ahmad fait des éloges sur toi, ben ça veut dire que tu es quelqu'un, hein. C'est pas n'importe qui que l'imam Ahmad parle de lui et fait des éloges comme ça à son sujet, hein. Comme par exemple, l'imam Ahmad disait qu'il le considérait comme parmi les gens les plus fermes, hein, les plus forts. L'imam Ahmad a dit à son sujet, j'ai entendu Yahya ibn Saïd, hein, et c'était parmi les personnes les plus fermes. Et il disait, je n'ai pas écrit de hadith de personne comparable à Yahya ibn Saïd. Hein, donc c'est pour dire qu'il le considérait. Il y a également un autre imam parmi les imams des salafs, l'imam Abdurrahman ibn Mahdi, hein, qui est mort en l'an 198. Également, l'imam Ahmad ibn Hanbal a fait des éloges de lui à son sujet. Et l'imam Ali ibn al-Madini aussi. Et parmi les imams, également parmi les imams des salafs, Yahya ibn Yahya al-Tamimi, qui est mort en 226. L'imam Ahmad ibn Hanbal, qui est mort en 241. L'imam Ali ibn Abdillah ibn Ja'far al-Madini, qui est mort en 224. L'imam Yahya ibn Ma'in, celui qui a écrit le livre Al-Jarh al-Ta'dil, hein, qui est mort en 203 de la Hijra. Un autre grand imam parmi les imams. L'imam Ishaq ibn Ibrahim al-Anzali, qui est mort en 238. L'imam Muhammad ibn Yahya al-Zuhli, hein, qui est mort en 258, et d'autres ont dit en 252. L'imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, qui est mort en 256, un autre imam parmi les grands imams d'Ahl al-Sunnah. L'imam Abu Zur'a, Ubaydillah ibn Abdul Karim, qui est mort, hein, l'imam al-Razi, Abu Zur'a al-Razi, qui est mort en 264. L'imam Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi al-Baghdadi, qui est mort en 258. L'imam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, donc l'imam qui a écrit Sahih Muslim, un des grands élèves parmi les élèves de l'imam al-Bukhari, et un des grands élèves de l'imam Ahmad aussi, qui est mort en 261. Aussi l'imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ibrahim al-Abdi ou Abu Abdillah al-Bushanji, qui est mort en 291. L'imam Othman ibn Sa'id al-Darimi, qui est mort en 280. L'imam Abu Abdillah Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, un autre parmi les grands imams des salafs, qui est mort en 294. L'imam Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'ayb al-Nasa'i, qui est mort en 303. Et l'imam Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzayma, Cheikh al-Islam, hein, qui est mort en 311. Également, il y en a beaucoup d'autres parmi les grands imams aussi. Il y en a beaucoup d'autres également, comme l'imam Ibn Jarir al-Tabari, qui est mort en 310, l'imam al-Tahawi 321, l'imam Ibn Abi Hatim 327, l'imam al-Ajurri qui est mort en 360, l'imam Ibn Batta qui est mort en 387, l'imam Ibn Abi Zamanayn qui est mort en 399, l'imam Abu Abdullah al-Hakim al-Naysaburi, qui est mort en 405. L'imam al-Lalaka'i, qui est mort en 416. L'imam Abu Ishaq al-Isfara'ini, qui est mort en 418. Donc il y en a beaucoup d'autres encore aussi. L'imam al-Bayhaqi, l'imam Ibn Abdelbar, l'imam al-Khatib al-Baghdadi, al-Qadi Iyad ibn Qudama, al-Majd ibn Taymiyyah, ibn Abi Shama, النووي ابن دقيق العيد شيخ ابن تيمية الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام المزي ابن عبد الهادي الإمام الذهبي الإمام ابن القيم الإمام كان beaucoup d'autres comme ça également parmi les grands savants de l'islam et à notre époque bien entendu les grands savants qui ont vécu à notre époque, hein, comme Cheikh Al-Albani, Cheikh Abdelaziz ibn Baz, Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des exemples de grands imams, il y en a beaucoup d'autres, il y en a des milliers, je ne pourrais pas les énumérer tous, hein, mais c'était juste pour vous donner quelques noms, parce que des fois, les gens, ils entendent toujours les mêmes noms, les quatre imams, Abu Hanifa, Malik ibn Anas, et l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, donc ils pensent qu'il n'y a que ces quatre imams, alors qu'en réalité, hein, il y a plein d'autres, hein, des milliers d'imams comme ça parmi les imams d'Ahl Sunna que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc ça c'est pour ajouter par rapport à qu'est-ce que le Cheikh Al-Fawzan disait par rapport à ça, et on va voir par la suite dans Al-Fatwa Al-Hamawiyya, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il cite des paroles de ses salafs, hein, justement, plus loin, pour montrer les preuves, justement, que la position des salafs par rapport au nom et par rapport aux attributs d'Allah, c'est effectivement le fait d'affirmer les attributs sans faire de ressemblance et sans faire de négation et sans demander le comment et ainsi de suite. On va avoir plein d'exemples de ça plus tard, inshallah. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il a dit, et les musulmans sont tous d'accord sur le fait que ce sont des imams qui sont sur la guidance. Ce sont tous des imams qui sont guidés, ce qu'on a mentionné. Et c'est-à-dire qu'ils ont atteint la vérité dans leur, dans leur compréhension de la religion. Et le Cheikh, il dit, parce que c'est des gens qui ont la science, l'application et le fait qu'ils suivent la sunna en plus de ça. Donc, ils ont une compréhension qui implique que ces gens-là, ils ont la science, la pratique et le suivi de la sunna. Parce que certaines personnes, ils ont juste un aspect, ils n'ont pas les autres. Certains, ils ont la science, mais ils n'ont pas la pratique. D'autres personnes, ils ont la pratique, mais ils n'ont pas la science. Mais ces imams qu'on vient de mentionner, c'est ceux qui ont réuni les deux. Ils ont réuni la science et la pratique ensemble. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il explique l'autre parole de Ibn Taymiyyah, lorsque Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, et ça c'est l'obligation pour toutes les créatures. Hein, c'est-à-dire, ils ont tous l'obligation de croire au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon-là. C'est-à-dire la façon dont c'est Allah et son messager ont mentionné, et ensuite également les sahaba et les imams de la religion, hein, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Et dans les questions des noms et des attributs, et dans le reste parmi les autres aspects de la religion aussi. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ici. Il dit, أي هذا هو الواجب عليك أن تقول ما قاله الله وقاله رسول الله وقاله المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وفي كل أمور الدين وفي آيات الصفات وأحاديثها بالخصوص. أما من خالف ذلك فإنه من أهل الضلال وأهل الزيغ والانحراف. فالواجب عليك في باب الأسماء والصفات وباب العقيدة والتوحيد وفي الدين عموما أن تتبع هذا الأصل وهو منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين ولا تنحرف عنه ولا تزعم لنفسك أنك أعطيت أو أعطيت شيئا لم يصل إليه أو أنك فهمت أحسن من فهمهم لأن بعض الناس يأتي بأشياء من عنده لم يقلها السلف ولا قالها أهل العلم فيأتي بأشياء وتفسيرات واجتهادات من عنده في أصل التوحيد الذي لا يقبل الاجتهادات وإنما هو اتباع واقتداء فقط تقول كما قاله السلف وتكف عما كف عنه السلف لأنهم أدرى منك وأعرف منك وأثبت منك في العلم ويكفيك أن تكون تابعا لهم. Donc, on va traduire cette partie ici. Cheikh Al-Fawzan, il dit que ça, c'est l'obligation pour toi. Que tu dis ce que Allah a dit, ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que les muhajirines et les ansar et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon ont dit, dans tous les aspects de la religion, dans les questions des noms et des attributs par rapport aux hadiths, hein, qui parlent de ces attributs-là en particulier, et tout ce qui contredit ça, alors tu dois savoir que ça fait partie des voies des gens de l'égarement, des gens de la déviation, et hein, des gens qui te font tomber dans l'hérésie, l'égarement. Et l'obligation pour toi, dans les questions des noms et des attributs d'Allah, dans la question de la aqidah et du tawhid, hein, et dans la religion en général, c'est de suivre ce fondement-là. Hein, de suivre ce fondement-là. Et c'est ça le manhaj des salafus salih, parmi les sahaba et les tabi'in et les imams qui ont été bien guidés. Hein, c'est de suivre ce que Allah a dit, ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que les muhajirin et les ansar ont dit, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Hein? Et c'est ça donc le manhaj des salaf al-salih, les pieux prédécesseurs. Et les pieux prédécesseurs, ce sont les sahaba et ceux qui ont étudié avec eux. Donc les sahaba sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les tabi'in, ce sont ceux qui ont étudié avec les sahaba, et les imams bien guidés de la religion, c'est-à-dire ceux qui sont venus par la suite et qui ont suivi ce que ceux qui les ont précédés ont suivi. Hein? Donc c'est ça les salaf salih. Et si tu suis ça de cette façon, et bien dans ce cas-là, tu es un salafi. Hein? Et tu es donc sur la voie des salafs, dans ce qu'ils ont ramené de la religion, hein? Qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce que tu dois suivre, et c'est obligatoire pour toi de le suivre, et tu ne dois pas dévier de ça. C'est pour ça ici que lorsque certaines personnes demandent est-ce que on peut suivre autre chose que la salafia, est-ce qu'on peut être autre chose que salafi dans l'islam, eh bien la réponse à ça, c'est que si tu suis autre que la salafia, ça veut dire que tu suis autre chose que les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis dans la religion. Donc est-ce qu'il peut y avoir une guidance en dehors de ce que les sahaba ont suivi, et en dehors de ce que les tabi'in ont suivi, et en dehors de ce que les grands imams de l'islam qui ont été bien guidés ont suivi? Il ne peut pas y avoir de guidance en dehors de cette voie-là. Donc, celui qui, comme le cheikh il dit, si tu penses ici, hein, tu dois pas dévier de leur voie. Parce que si tu penses pour toi-même que tu as reçu quelque chose que eux, ils n'ont pas été capables de le recevoir ou de l'atteindre, hein, et que tu as compris quelque chose, mais d'une manière qui est meilleure que leur compréhension à eux, hein, parce qu'il y a des gens qui viennent avec des choses et qui amènent des choses d'eux-mêmes, que les salafs n'ont jamais dit, hein, que les premiers musulmans, les prédécesseurs n'ont jamais dit, parmi les sahaba, les tabi'in et ceux qui les ont suivis par la suite, parmi les imams de l'islam. C'est-à-dire, les savants, ils n'ont jamais dit ça. Et eux, ils ramènent des choses de leur propre tête. Hein, et souvent, t'entends des jeunes aujourd'hui qui répètent ça. Hein, ils prennent des idées de certains prêcheurs, de certains orateurs, des gens qui ont la belle parole, et surtout dans les pays non musulmans en particulier, parce que les gens qui connaissent pas la langue arabe, par exemple, qui retournent pas aux savants de l'islam, ils cherchent toujours des gens qui vont s'exprimer dans la langue qu'ils connaissent. Hein, c'est-à-dire, si ce sont des gens qui sont en Angleterre ou aux États-Unis ou ailleurs dans les pays où on parle anglais, ils vont chercher des prêcheurs qui parlent anglais. Si c'est en France ou en Belgique ou dans d'autres pays où on parle français, eux, ils vont chercher des prêcheurs qui s'expriment bien en français. Ou dans une autre langue, c'est la même chose. Et ils pensent que parce que des gens de leur pays qui parlent ces langues, que les langues qu'eux maîtrisent. Donc ils pensent que parce qu'eux ils s'expriment bien dans ces langues-là, que ce sont eux les savants, hein, de l'islam, parce qu'ils parlent de l'islam dans ces langues-là. Et ils ne réalisent pas que ce sont à la limite des étudiants. Hein, à la limite ce sont des étudiants en islam, mais ils n'ont rien à voir avec les savants et ils n'ont rien atteint du niveau de ce que ont atteint les savants de l'islam. D'accord? Parce que l'étude de l'islam, hein, et le fait d'atteindre la science, le niveau des savants dans la science de l'islam, ça c'est bien entendu seulement en arabe qu'on peut l'atteindre, puisque c'est la langue de la révélation. Hein, et également, donc il faut avoir étudié cette science avec les savants. Si on n'a pas étudié avec les savants, on ne peut pas se considérer donc être un savant soi-même. Donc il y a plein d'autres choses dans ce sens-là. Mais étant donné que les gens en Occident ou dans les pays où il y a peu de connaissances de l'islam, les gens sont ignorants, ils ne savent pas en fait comment distinguer entre qui sont les savants et qui sont les prêcheurs ou qui sont les du'ats, les gens qui parlent de la religion mais qui ne sont pas nécessairement au niveau des savants parmi les grands imams et les grands chouyours de chaque époque. Donc il y en a qui donc se laissent tromper facilement par ça. Donc ils écoutent des gens qui ramènent des choses de leur propre tête, comme le cheikh le dit. Hein, ils ramènent des choses de leur propre compréhension, ils inventent des choses que les salafs n'ont jamais dit, que les salafs n'ont jamais mentionné, et ils ramènent ça comme étant leur propre interprétation, comme étant leur propre effort de compréhension dans les questions qui sont même dans les fondements du tawhid. Hein, alors qu'on sait très bien que ces questions-là n'acceptent pas d'ijtihad. C'est-à-dire tu ne peux pas faire d'analogie dans ces questions-là, dans le sens de vouloir émettre des jugements en te basant sur ta logique pour établir des choses ou nier des choses dans la religion. La seule chose que tu as le droit de faire dans les questions qui ont rapport avec les fondements du tawhid et de la croyance islamique, c'est de suivre. Hein, la seule chose que tu peux faire dans ces questions-là, c'est que tu suis. Tu vois ce que Allah a dit, tu y crois. Tu vois ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu y crois. Tu regardes ce qu'on dit les salafs et tu le dis, toi aussi. Tu répètes en fait. Hein, c'est pour ça que les gens de bid'a parfois, quand ils veulent essayer de rabaisser ou de ridiculiser les salafs, et ridiculiser les gens qui suivent leur voie, ils disent, vous n'utilisez pas votre raison. Hein, vous ne faites que répéter comme des perroquets. Hein, vous faites juste répéter et suivre. Et donc, ça c'est de leur façon qu'ils utilisent des paroles qu'ils utilisent pour essayer de se moquer des gens qui suivent la sunna et des gens qui suivent la voie des gens de la sunna. Alors que, au contraire, il faut être fier de ça. Tu dis oui, on suit ce qu'ils ont dit et on répète dans ces questions-là, oui. Alhamdulillah, il n'y a pas de problème, parce que ce qu'on répète, c'est ce qui vient d'Allah, et c'est ce qui vient de son messager. Et on l'a compris, et on y croit, hein, et on y croit, et c'est pour ça qu'on le répète. Tandis que eux, c'est les gens du doute. Les gens du doute, c'est-à-dire qu'ils ont des doutes en ce qui vient d'Allah et de son messager, et donc ils pensent qu'ils doivent utiliser leur raison pour essayer d'arriver à comprendre les choses. Et souvent, ils ne font que suivre leur passion et ils prétendent que c'est de la raison alors que ça n'a rien à voir avec la raison. Donc, le cheikh, il explique ensuite, il dit, tu dois juste dire ce que les salafs ont dit et tu t'arrêtes là. Si les salafs se sont tus ou se sont retenus de parler de quelque chose, alors dans ce cas-là, tu te retiens comme les salafs se sont retenus. Hein? Parce qu'ils savent mieux que toi. Et ils connaissent mieux que toi. Hein, et ils sont plus fermes que toi dans la science. Et donc, ce que eux, ils ont suivi, eh bien, c'est suffisant pour toi. Le cheikh, il dit ensuite, بِأَن تَعْرِفَ مَذْهَبَهُمْ وَتَتَّبِعَهُمْ أَمَّا أَنَّكَ تُحْدِثُ شَيْئًا وَتَأْتِي بِاجْتِهَادَاتٍ وَتَفْسِيرَاتٍ مِنْ عِنْدِكَ فَهَذَا ضَلَالٌ وَبَاطِلٌ لِأَنَّ بَعْضَ الْمُتَعَالِمِينَ أحدثوا أشياء من الصفات يقولون هذه أخذناها من الكتاب الفلاني ومن النص الفلاني فطالب العلم لا يسعه أن يتثبت من الصفات إلا ما أثبته هؤلاء السلف على ضوء كتاب الله وسنة رسوله ولا تزد على ما أثبتوه شيئا لم يقل به السلف. هذا الذي يجب في هذا الباب وغيره من أبواب العلم، ولكن هذا الباب بالذات لأن الزلة فيه ليست كالزلة في غيره، وإلا فالواجب عليك في جميع أبواب العلم أنك تتبع ما عليه السلف الصالح، وكفاك أنك تسير على الجادة التي ساروا عليها التي ساروا عليها لتلحق بهم أو تلحق بهم، ولا تخرج عن الجادة فتتخلف عن الركب. Donc le cheikh il explique, il dit, et tu dois savoir également, donc tu dois savoir que ce qu'ils ont amené c'est suffisant pour toi, et tu sais que c'est du moment que tu sais que cette voie c'est leur voie et que c'est leur méthodologie, eh bien il suffit pour toi de le suivre. Du moment que tu sais que ça, cette voie ou cette position c'est leur position, ce chemin c'est leur chemin, cette voie c'est leur voie, alors tu la suis, hein, et tu n'amènes pas, hein, rien de toi-même, tu n'inventes rien dans la religion, parce que si tu veux ramener des choses de toi-même et inventer des choses de toi-même, et tu veux essayer de faire tes propres analogies, tes propres efforts dans la religion pour essayer de comprendre de toi-même les choses sans te référer à ceux qui ont précédé, et tu veux faire des interprétations de toi-même, ça c'est de l'égarement, et ça c'est, hein, c'est de la fausseté. Parce que le cheikh il dit qu'il y a certaines personnes à notre époque qui prétendent à la science et qui inventent des choses même dans les questions des noms et des attributs d'Allah. Hein, et ils disent, ça c'est ce qu'on a appris de tel ou de tel livre, hein, de tel ou de tel texte. Hein, donc la personne qui cherche la science en islam et qui étudie, hein, l'islam, qui cherche la science, eh bien, il ne va rien affirmer. Hein, il ne va pas se permettre d'affirmer quoi que ce soit des attributs d'Allah, excepté ce que les salafs ont affirmé à la lumière du Coran et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Hein, et donc, tu ne vas rien ajouter à ce que les salafs ont affirmé de quoi que ce soit de ce que les salafs n'ont pas dit. Donc, tu ne vas rien ajouter de toi-même. Tu ne vas rien affirmer excepté ce que les salafs ont affirmé. Et ça, c'est, hein, qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu dois suivre. C'est ce qui est obligatoire pour toi dans ce domaine, dans cette question-là, et dans toutes les autres questions qui ont rapport avec la science et les autres domaines de la science. Mais en particulier dans ce domaine-là, les questions des attributs d'Allah et des noms d'Allah, parce que l'erreur, hein, et la chute dans ce domaine est plus grave que dans les autres domaines. Hein, c'est parce que c'est plus sérieux et c'est plus grave de se tromper dans cette question-là que dans d'autres questions, puisque c'est dans les bases de la foi et la base de la croyance en Allah. Sinon, l'obligation de façon générale, c'est de suivre la voie des salafs salih dans toutes les questions de science, hein, que tu dois les suivre et être sur ce qu'ils suivaient eux aussi. Et c'est suffisant pour toi, donc, si tu veux être sur la bonne voie, de suivre ce qu'ils suivaient pour être, hein, associé à eux et considéré comme un qui les suit parmi eux, pour que tu sois considéré comme étant une personne parmi ceux qui les suivent. Sinon, tu sors de la voie. Alors, ne sors pas de cette voie qu'ils ont suivie. Sinon, tu vas manquer, hein, tu vas manquer le bateau, si on veut. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, rahimahullah, fa inna Allah ba'atha Muhammadan bil huda wa din al haqq. Cheikh ibn Taymiyyah, il dit, parce que Allah a envoyé ou a suscité le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la guidance et la religion de vérité. Donc le cheikh Al-Fawzan il explique يقول لما ذكر الشيخ رحمه الله في أول كلامه أن قولنا في آيات الصفات وأحاديثها هو ما قاله الله ورسوله يعني نؤمن بها على ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما قاله الصحابة ما قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وكذلك ما قاله الأئمة الذين اقتفوا آثارهم في هذا الباب وغيره علل ذلك بقوله فإن محمدا فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وإذا كان الله قد بعث رسوله بالهدى ودين الحق فمن أولويات الهدى ودين الحق آيات الصفات وحديثها والهدى هو العلم النافع ودين الحق ودين الحق هو العمل الصالح والرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالأمرين بالعلم النافع والعمل الصالح ومن العلم النافع العمل الصالح والعمل الصالح الإيمان بآيات الصفات وأحاديثها على ما جاءت في كلام الله وكلام رسوله وعلى ما اعتقده السابقون الأولون ولم يشكل عليهم ولا توقفوا في هذا الأمر بل قبلوه بالتسليم والانقياد مثبتين له لفظا ومعنى وهذا هو الحق وهذا هو الهدى ودين الحق فمن خالفه فقد خالف ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن رأس العلم وأصله العلم بالله فإن رأس العلم وأصله العلم بالله سبحانه وتعالى والعلم بالله وبأسمائه وصفاته وبصفاته وما يستحقه من العبادة فاعلم أنه لا إله إلا الله مستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات دونك شيخ الفوزان يكسبليك الزي رحمه الله au début de la parole Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il a dit que notre parole notre position au sujet des noms au sujet des attributs d'Allah et des hadiths qui parlent des attributs d'Allah c'est ce que Allah a dit et ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est-à-dire qu'on croit en ce qui a été ramené dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ces questions-là de même que ce que les sahaba du messager sallallahu alayhi wa sallam ont dit ainsi que ce qu'ont dit les imams de la religion qui ont suivi leur voie dans ce domaine-là c'est-à-dire le domaine des noms et des attributs d'Allah et les autres domaines de la religion aussi et il a donné comme raison pour ça il a donné comme raison pourquoi on doit suivre cette voie-là c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la guidance et la religion de vérité voilà pourquoi il faut suivre cette voie parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité et donc parmi les priorités les choses primordiales les priorités les choses qui sont prioritaires par rapport à la guidance et par rapport à la religion de vérité ce sont les attributs les versets et les hadiths qui parlent des attributs d'Allah il n'y a rien dans l'islam qui est plus important que les versets et les hadiths qui parlent des attributs d'Allah c'est la base de la guidance c'est la base de la religion de vérité comme le cheikh dit que la guidance c'est la science bénéfique et que la religion de vérité c'est l'application des bonnes œuvres et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé avec les deux c'est-à-dire avec la science qui est bénéfique et avec les bonnes œuvres qui viennent avec. Et le cheikh, il dit que parmi les bonnes, parmi la science bénéfique et les bonnes œuvres, il y a, bien entendu, à la base de tout, la foi en les versets et les hadiths qui parlent des attributs d'Allah. Hein? Il n'y a rien de plus important que ça, premièrement, puisque la base de la religion, ça commence par la connaissance d'Allah. Et tu ne peux pas connaître Allah, subhanahu wa ta'ala, sans connaître ses noms et ses attributs. Et ces noms et ces attributs-là sont dans le Coran et dans la Sunna. Hein? Donc, cette connaissance-là, c'est la priorité dans toute la connaissance. Il n'y a pas de connaissance qui passe avant celle-là. Et le cheikh, il dit donc que la foi en la foi en les versets et les hadiths qui parlent des attributs d'Allah, selon ce qui a été ramené dans la parole d'Allah, c'est-à-dire le Coran, et la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna, et selon ce qu'ont cru les premiers parmi les croyants, c'est-à-dire parmi les muhajirin et les ansar et les sahaba, et pour eux, ça n'a pas causé aucun problème de croire en ça, c'est-à-dire de croire et d'affirmer les attributs d'Allah qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. Ça ne leur a causé aucun problème. Hein, ils n'ont pas vu dans ça aucun problème, aucune difficulté. Et ils ne se sont pas abstenus ou arrêtés sur cette question-là. Et au contraire, ils l'ont accepté avec soumission, hein, et avec obéissance, en affirmant ces attributs dans leurs termes et dans leur signification. Hein, ils ont accepté, ils se sont soumis, hein, et ils ont affirmé ces attributs-là dans les termes et dans la signification également. Et ça, c'est la vérité. C'est ça la voie de la vérité. Et c'est ça la guidance. Hein, et c'est ça la religion de vérité. Et donc, celui qui contredit ça, alors il a contredit ce qui a été envoyé par le, il a contredit ce avec quoi le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé. Parce que la tête ou la base de la science, c'est la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. De connaître Allah par ses noms, par ses attributs. Et de connaître ce qu'il mérite comme adoration. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans Sourate Muhammad, verset 19, hein, il dit: sache donc que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, et demande pardon pour ton péché et pour les croyants et les croyantes. Donc ça, c'est la preuve que tu dois commencer par connaître et par avoir la science de ces choses-là. Le cheikh, il dit ensuite, cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il dit: fa'lam bil fal'ilm bil 'aqidati as-sahiha huwa al-asas wa huwa al-'ilm bima'na la ilaha illa Allah, wa huwa al-'ilm bima'na la ilaha illa Allah lafzan wa ma'nan wa i'tiqadan wa ma taqtadhihi hadhihi al-kalimati al-'azima. وهذا هو أساس الدين وهذا هو أساس الدين وأساس الملة وهو أصل ما بعث الله به رسله من أولهم إلى آخرهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه زبدة الرسالات وهي تحقيق توحيد الألوهية لله عز وجل ولا يتحقق هذا إلا بمعرفة الله بأسمائه وصفاته نحن نعرف الله عز وجل بما عرفنا به عن نفسه من أسمائه وصفاته وما عرفه به رسوله فهذا هو الأساس. Donc le cheikh, il explique, il dit que sache que la croyance, la croyance correcte, c'est la base de la religion. Avoir une bonne aqida, c'est la base de la religion, hein? et c'est de connaître la signification de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et de connaître cette signification-là en termes et en signification. Donc, de connaître les termes et de connaître la signification de ces termes et d'y croire, c'est-à-dire d'avoir une croyance et une conviction ferme en ce que cette parole signifie. Et donc aussi de connaître ce que cette parole implique, ce que cette grande parole implique. Et c'est ça donc la base de la religion et le fondement de la religion. Et c'est la base de ce que Allah a de ce avec quoi Allah a envoyé tous ses messagers, depuis le premier d'entre les messagers jusqu'au dernier. Ils ont tous été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala aux hommes pour leur enseigner cette parole de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et il mentionne Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 36 dans sourate An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous avons fait susciter dans chaque nation un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du tarout, c'est-à-dire écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un tarout, c'est-à-dire tout ce qui est faussement adoré. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faussement adoré. Le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah. Et le verset 25 dans sourate Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous n'avons envoyé avant toi de messagers, excepté en lui révélant que rien ne mérite d'être adoré, excepté moi, alors adorez-moi. Donc ça c'est la crème de tous les messages. Ça c'est la crème de tout ce que les messages ont, transmis à leur peuple comme message. C'était la base, c'est le centre, c'est le cœur, c'est la crème de ce que les messagers ont amené pour leur peuple. Et c'est une parole qui signifie, en fait, de réaliser l'unicité d'Allah dans l'adoration, c'est-à-dire le tawhid dans l'adoration. Et on ne peut arriver à mettre en application et à réaliser réellement la signification de cette parole de la ilaha illallah et du tawhid dans l'adoration, excepté en ayant la connaissance d'Allah par ses noms et par ses attributs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas le connaître par autre chose que par ce qu'il nous a fait connaître sa personne, par ses noms et par ses attributs dans sa révélation, et par ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a transmis de ce que Allah lui a révélé dans la sunnah. Et c'est ça la base de la religion, ça c'est le fondement de la religion, il n'y a pas de plus important que ça. C'est la base de la base. C'est la base de la base. Et le cheikh, il dit ensuite, pour expliquer la suite de ce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah mentionne, il dit: « لِيُخْرِجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ لِيُخْرِجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ il a sirat, il aziz, il hamid. Donc le cheikh, il dit, pour faire sortir les hommes, donc Allah a envoyé son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la guidance et la religion de vérité, pour faire sortir les hommes des ténèbres vers la lumière par la permission de leur Seigneur, vers le chemin du Tout-Puissant, digne de louange, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la suite de ce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah mentionne. Et Cheikh Al-Fawzan donne une explication ici par rapport à ça, et on va terminer avec cette explication là inshallah. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a mentionné ça, et Cheikh Al-Fawzan il l'explique en disant: li yukhrij ar-rasul بالكتاب المنزل الناس من ظلمات الكفر الشرك إلى نور الإيمان والتوحيد من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد والعلم النافع والعلم نور فالعلم نور والجهل ظلمات والكفر ظلمات والإيمان نور والشرك ظلمات والتوحيد نور هذا هو الذي هذا الذي به بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وأصل ذلك معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وعبادته وحده لا شريك له هذا هو الخروج من الظلمات إلى النور. Donc le cheikh il explique, il dit que le messager, par le livre qu'Allah a fait révéler pour les hommes, il a fait sortir des ténèbres de la mécréance et du shirk vers la lumière de la foi et du tawhid et à la science bénéfique. Et la science en elle-même est une lumière et l'ignorance est en fait des ténèbres. Et la mécréance aussi ce sont des ténèbres. Et la foi, c'est une lumière. Et le shirk, ce sont des ténèbres. Et le tawhid, c'est une lumière. Et c'est ça avec quoi le prophète a été envoyé. Le tawhid, la lumière de la foi. Pour faire sortir les hommes des ténèbres vers la lumière. Des fois, les gens, ils pensent que, le fait de voir ou d'avoir la lumière, c'est le fait d'avoir l'électricité ou de pouvoir voir à cause de la lumière du soleil ou des choses comme ça. Mais en réalité, il y a des gens qui vivent avec de l'éclairage. Ils ont de la lumière, ils ont de l'électricité, ou bien ils vont dehors, ils voient la lumière du jour, mais ils sont dans les ténèbres parce qu'ils sont dans l'ignorance de la foi. Et ils vivent dans l'ignorance. Et ils sont complètement aveugles de la réalité de ce que signifie la lumière et la foi. Donc, pensez par exemple à des gens qui ne vivent que pour des choses autres que pour lesquelles ils ont été créés. Parce que Allah, il nous dit dans le Coran, « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il nous a envoyé des messagers avec des livres pour nous expliquer pourquoi on a été créé et c'est quoi le but de notre existence sur Terre et qu'est-ce qui va nous arriver une fois qu'on meurt et le fait que nous allons être ressuscités et que Allah va juger les hommes au jour de la résurrection du premier jusqu'au dernier parmi les hommes qui ont vécu sur Terre et les femmes qui ont vécu sur Terre et ils seront tous jugés pour que Allah subhanahu wa ta'ala les rétribue selon leurs croyances, selon leur foi et selon leurs œuvres. Et il y a combien d'êtres humains aujourd'hui sur la terre qui vivent complètement dans l'insouciance par rapport à ce jour de cette résurrection-là, dans lequel Allah va nous juger, et ils vivent sur terre au jour le jour comme si ils étaient des animaux qui n'ont aucune connaissance, aucune préoccupation de qu'est-ce qui leur arrive après la mort ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est triste de voir ça. Et c'est important donc pour cette raison-là justement de rappeler aux hommes, de leur faire leur appel, de les appeler comme les messagers les ont appelés. Et le cheikh ici, il dit justement de faire sortir les hommes des ténèbres vers la lumière. C'est pour ça que les messagers et les prophètes ont été envoyés. Et c'est pour ça que ceux qui suivent les prophètes et les messagers ont aussi cette responsabilité-là de continuer cette mission aussi par la suite, selon leurs connaissances et leurs capacités, leur niveau. Le cheikh dit que la base de cette connaissance et la base de la lumière, c'est la connaissance d'Allah, Jalla wa Ala, et de connaître Allah par ses noms et par ses attributs. Si quelqu'un ne connaît pas Allah par ses noms et par ses attributs, il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que tu vois des kuffars parfois, ils disent oui, on croit en Dieu, mais quand tu leur demandes c'est de décrire ou d'expliquer qui est Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, c'est là que tu vois que c'est des gens qui ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ils décrivent Allah subhanahu wa ta'ala par autre que ce que Allah s'est décrit lui-même, et ils parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala en se basant sur autre que ce que Allah a révélé. Et donc ils donnent à Allah subhanahu wa ta'ala des défauts ou des faiblesses ou des caractéristiques humaines ou animales, et ils donnent aux êtres humains parfois même des attributs divins. Donc c'est pour dire qu'ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils sont dans les ténèbres et dans l'ignorance. Et si on dit que la foi et le tawhid, c'est la lumière, donc la plus grande lumière, c'est de connaître Allah par ses noms et par ses attributs, et de l'adorer lui seul sans rien associer avec lui dans notre adoration. Ça, c'est le fait de sortir des ténèbres vers la lumière. C'est ça que ça signifie, sortir des ténèbres vers la lumière. Hein? De connaître Allah par ses noms et par ses attributs, et de s'écarter du shirk et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et le cheikh dit « لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامُ وَالْأَحْجَارُ وَالْأَشْجَارُ وَكُلٌّ يَعْبُدُ مَا تَهْوَاهُ نَفْسُهُ وَمَا زُيِّنَ لَهُ أَوْ زَيَّنَ لَهُ الشَّيَاطِينَ شَيَاطِينَ الْإِنسُ وَالْجِنِّ هذه وهذه ظلمات. وأما التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة فهذا هو النور. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليخرج الناس من الظلمات من ظلمات الكفر والشرك والجهل بالله عز وجل إلى نور العلم واليقين ومعرفة الله بأسمائه وصفاته والقيام بعبوديته وحده لا شريك له. ألم ترى ألف لام ميم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فإن الجهل بالله هو الظلمات والعلم بالله هو النور. Donc le cheikh explique ensuite, il dit, parce que ils adoraient autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ils adoraient les idoles, ils adoraient les pierres, et ils adoraient les arbres. Et juste par rapport à ça aussi, c'est qu'il y a des ulama qui ont mentionné que dans le verset, on voit que la lumière, elle est au singulier, et que les ténèbres sont au pluriel. Et les ulama, ils mentionnent ça pour expliquer que ça, c'est une preuve en même temps que la vérité, elle est unique. Et le chemin qui mène à Allah, c'est un seul chemin. Tandis que les chemins de l'ignorance, les chemins des ténèbres, ils sont multiples. Et c'est pour ça qu'il est au pluriel. Et l'égarement, les voies de l'égarement sont infinies. Tandis que la voie de la lumière, c'est une seule et unique voie qui mène vers la vérité, qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est juste un point en passant. Le cheikh, il dit ensuite, donc, ces gens-là, ils étaient dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils adoraient les idoles, les pierres, les arbres. Ils adoraient tout ce que leur âme désire. Et le shaitan, parmi les djinns et parmi les hommes, leur ont embelli ces choses-là, et ça, c'est les ténèbres. Tandis que le tawhid, qui consiste à unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration, ça, c'est la lumière. Et le messager, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour faire sortir les hommes des ténèbres vers la lumière, pour faire sortir les hommes des ténèbres du kufr, des ténèbres du shirk, des ténèbres de l'ignorance d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers la lumière de la science et de la certitude et de la connaissance d'Allah par ses noms et par ses attributs, et de se tenir et d'appliquer l'adoration d'Allah seul, et de ne rien associer avec lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 1 dans Surat Ibrahim, Alif Lam Ra, c'est un livre que nous avons révélé vers toi, que nous avons révélé sur toi, pour que tu fasses sortir les hommes des ténèbres à la lumière. Et le verset également 257 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, Allah est le protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et ceux qui ont mécru, leurs alliés sont les taroutes, sont le taroute, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Hein? Ils les font sortir des ténèbres, ils les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Donc le taroute, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, fait sortir les hommes de la lumière pour les amener vers les ténèbres. Le cheikh explique ici, il dit donc, l'ignorance d'Allah, c'est les ténèbres, et la connaissance d'Allah, c'est la lumière. Ensuite, le cheikh, il dit, بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. Et ça, c'est tiré dans le verset 1 dans Surat Ibrahim. En fait, qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer ici des paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah? C'est tiré du verset 1 dans Surat Ibrahim. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, c'est-à-dire par la permission de leur Seigneur. يعني بشرعه ودينه فالإذن على قسمين إذن قدري كوني وإذن شرعي الشيخ ici il explique que quand on dit pour faire sortir les hommes des ténèbres vers la lumière par la permission de leur Seigneur, ici le Cheikh dit que la permission de leur Seigneur ici c'est sa permission légale et révélée dans sa révélation et dans sa législation. Donc il dit, il faut savoir que la permission, elle est de deux catégories. Une permission qui est qui a rapport avec ce que Allah a créé, qu'est-ce qu'il a prédestiné dans l'univers, et une permission qui est une permission légale, qui a rapport avec sa révélation. Et la différence entre les deux, c'est que la permission qui a rapport avec la prédestination et la création, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a permis et qu'on peut constater en observant ce qui se produit dans l'univers. Donc, si on voit que quelque chose se produit dans l'univers, effectivement, dans le monde, ça veut dire que Allah l'a permis. Il a permis cette chose de se produire et il l'avait prédestinée, il l'a voulu. Et donc, c'est une chose donc qu'il a permis. On dit que c'est al-ivnul kawni al-qadari al-qadari al-kawni. Toutefois, si on parle de al-ivn shar'i, ça veut dire donc la permission qui peut uniquement être connue par la révélation. C'est-à-dire que tu peux savoir ce qui est permis de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, parmi les choses qu'il a révélées, et c'est de cette permission-là dont on parle ici, lorsqu'on dit par la permission de leur Seigneur, c'est-à-dire parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis, puisqu'il leur a ordonné de suivre cette voie. Hein? Donc c'est par la révélation qu'on connaît cette permission-là. Ensuite il dit وصراط العزيز الى باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد وهو صراط الله الله هو العزيز الحميد وصراطه هو الطريق الموصل اليه وهو التوحيد والايمان والعمل الصالح وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اي غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين فإن الناس لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة. Donc le Cheikh explique ensuite, il dit que c'est-à-dire par la permission de leur Seigneur, il va les faire sortir des ténèbres vers la lumière, par la permission de leur Seigneur, vers le chemin ou vers la voie ou le chemin du Tout-Puissant digne de louange, et c'est-à-dire le chemin d'Allah, parce que Allah c'est lui qui est le Tout-Puissant et le digne de louange, hein. Et le cheikh il dit son chemin ou sa voie, c'est la voie qui amène vers lui, et c'est la voie du tawhid et de la foi et des bonnes œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 153 dans sourate Al-An'am, et voici ma voie droite dans toute sa droiture, alors suivez-le. Voici mon chemin dans toute sa droiture, alors suivez-le, et ne suivez pas les petits sentiers qui vous diviseront de son chemin. Le verset 6 et 7 également dans sourate Al-Fatiha, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux sur lesquels tu as mis ta grâce, et non pas celui de ceux sur qui il y a ta colère, ni ceux qui sont égarés. Voilà, le chef il dit, c'est-à-dire, on ne doit pas suivre le chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ni de ceux qui se sont égarés. Donc, le cheikh, il dit que les hommes ne sortent pas d'une de ces trois catégories-là. Et premièrement, il dit « Imma mun'amun alayhim, wa humul ladhina salaku s-sirat al-mustaqim, wa saru ala ilmin, wa imma maghdubun alayhim, wa humul ladhina arafu al-ilm, wa lam ya'malu bihi, wa taba'u ahwa'ahum, wa imma dallun. » وهم الذين يعبدون الله على جهل ولا يعرفون العلم فالناس ثلاثة أقسام أهل العلم والعمل وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم وأهل العلم بدون عمل وهؤلاء مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به وقامت عليهم الحجة إما ضالون وإما ضالون وهم الذين لا يرجون أو لا يرجعون إلى العلم وإنما يعبدون الله بأهوائهم وعباداتهم وتقاليدهم من غير دليل وإنما يعبدون بالبدع يعبدونه بالبدع والمحدثات والخرافات التي زينها لهم الشياطين زينها لهم شياطين الإنس والجن فلا نجاة إلا للفريق الأول وأما الفريقين الثاني والثالث فهم ضالون مغضوب عليهم وهم أهل الظلمات والعياذ بالله. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit que donc les hommes ne sortent pas de ces trois catégories là. Premièrement, la catégorie de ceux qui ont reçu la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, le cheikh explique donc que ceux qui ont reçu la grâce d'Allah, ce sont ceux qui ont suivi son droit chemin, hein, et qui ont donc suivi ce chemin-là avec science. Donc ils l'ont suivi et ils ont la science. Ensuite, il y a ceux qui ont la colère d'Allah sur eux, et ce sont ceux qui ont connu la science, mais qui ne l'ont pas appliquée, et qui ont suivi leur passion à la place. Et puis il y a le chemin de ceux qui se sont égarés, et ce sont ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance. Ils ne l'ont pas connu avec science, ils n'ont pas connu la science. Donc les gens sont de trois catégories, les hommes sont dans trois catégories, ceux qui ont la science et l'action. Et ceux-là sont les gens qui sont sur les gens qui font partie de ceux qui suivent le droit chemin. Puis il y a ceux qui ont la science sans l'action, sans la pratique. Et ceux-là sont ceux qui ont la colère d'Allah sur eux. Ils ont connu la vérité et ils ne l'ont pas appliquée. Et la preuve a été établie contre eux. Et il y a également les gens qui sont égarés à la base, Ad-Dallun, et ce sont ceux qui ne reviennent pas à la science. Ils ne font qu'adorer Allah selon leurs désirs et leurs passions, hein, et leurs coutumes et leurs traditions, sans avoir aucune preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne font adorer Allah que par des innovations, que par des choses qu'ils ont inventées dans la religion, ou des superstitions que les diables humains et les diables djinns ont inventées pour eux. Et donc, il n'y a pas de salut possible, excepté pour le premier groupe, c'est-à-dire ceux qui ont la science et qui ont l'application et la pratique. En ce qui concerne les deux autres groupes, le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3, alors ceux-là sont des égarés, et ce sont ceux qui ont la colère d'Allah sur eux. Ce sont les gens des ténèbres. Wal'iyadu billah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, dans cette explication, puis on va continuer au prochain cours, Inch'Allah, la semaine prochaine, bi'ithnillah. Donc, je m'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.